Imagine-toi entrer dans un magasin, remplir ton panier avec des aliments sains, durables, dont tu connais et choisis l'origine. Imagine-toi que ce n'est pas ta carte bancaire que tu utilises pour payer, c'est ta carte vitale. Chaque mois, 150 euros y sont crédités, financés par une cotisation en fonction de tes revenus. Et imagine-toi que ce droit, tu le conserves quoi qu'il arrive. En cas d'accident, de coup dur ou de crise sanitaire, tu pourras toujours accéder à une alimentation saine et en quantité suffisante. C'est ça le projet de la Sécurité sociale de l'alimentation. Présenté comme ça, tu as certainement des interrogations sur ce modèle. La SSA est-elle une réponse à la précarité alimentaire? Comment peut-elle permettre la transition agroécologique? D'où est née l'idée d'une caisse alimentaire et comment cela fonctionne? Où en est la SSA aujourd'hui et quels sont ses freins à un développement national? Et enfin, comment peux-tu t'engager? On est sur Campus FM, dans l'émission Agro J'écoute, et on va éclaircir tout ça ensemble dans notre épisode intitulé « La sécurité sociale de l'alimentation, cotiser pour bien manger ». Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast Agro J'écoute. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Campus FM pour un nouvel épisode qui abordera le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation, aussi appelée SSA. Donc je suis ravie d'être accompagnée de Julie et Alicia. Bonjour Julie, bonjour Alicia, comment ça va aujourd'hui? Trop bien, tellement impatiente de commencer. Bonjour Lilia, ça va bien et toi? Ça va super, merci. Et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent pour notre premier podcast. Donc on réalise cette émission dans le cadre de notre parcours Devenir acteur de la transition agroécologique à l'école d'ingénieurs de Purpan et nous étudions les enjeux de transformation écologique du monde agricole et alimentaire. Nous avons fait le choix d'aborder le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation qui est un concept qui nous paraît très intéressant. Vous verrez au fil de l'émission que ce modèle inspiré de la Sécu a pour vocation d'être un vecteur de la transition agroécologique, de la lutte contre la précarité et de pousser en fait un système alimentaire enfin démocratique. Afin de réaliser cette émission, nous avons réalisé un travail de recherche. Nous nous sommes notamment appuyés sur des livres d'agronomes de l'INRAE, comme celui de Dominique Paturel, une des initiatrices du projet. Nous avons aussi réalisé plusieurs entretiens avec des acteurs d'une expérimentation de ce modèle en Ariège. Et si ce sujet vous intrigue, merci de rester avec nous. Et surtout qu'en tant qu'étudiante en transition agroécologique, on a trouvé ce sujet notamment plus important parce que ça permet de voir comment changer le système alimentaire. Mais pour les non-initiés, qu'est-ce qu'on entend par transition agroécologique? Pour nous, c'est le changement du système agricole actuel vers la mise en place de pratiques plus vertueuses avec la mise en place de nouvelles connaissances et tout cela par des interactions sociales. Ouais, et moi du coup j'ai découvert ce modèle-là de la sécurité sociale de l'alimentation à Eden, qui est un lieu totem de l'économie sociale et solidaire à Toulouse. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast aujourd'hui. J'avais rencontré des chercheurs de l'INRAE là-bas qui travaillaient sur ce sujet et ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Oui, moi aussi je partage votre avis les filles, surtout qu'aujourd'hui, vu la situation d'urgence dans laquelle on est, je pense qu'il est important qu'on mette ensemble ce genre de sujet sur la table. J'ai d'ailleurs lu récemment qu'il y a 37% de la population française qui est en insécurité alimentaire depuis 2023. Et ce n'est pas le seul chiffre. Dans ce centre des Restos du Cœur, près de Bordeaux, la campagne d'été démarre déjà très fort. Alors qu'une enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie révèle qu'à la fin de l'année 2022, 16% des Français déclaraient ne pas pouvoir manger à leur faim. C'est trop cher. C'est inimaginable le prix de l'augmentation des produits. On ne peut plus manger, par exemple, des steaks hachés, la viande rouge, quoi. C'est plutôt jambon, des cuisses de poulet, des trucs pas chers, quoi. Je peux plus. Du poisson, la viande, ça a augmenté énormément. Il y a des fois où je préfère me priver et garder à manger pour mes enfants. Donc c'était un extrait de 2023 de CNews. Comme vous l'avez entendu, un Français sur six ne mange pas à sa faim, 16% de la population est en situation de précarité alimentaire. Ce chiffre, il a presque doublé en 6 ans. En plus de ça, j'ai fait d'autres recherches. 2,3 millions de personnes sont dans une précarité extrême en France. Ça représente 3 fois la population de Toulouse. Et en fait, c'est-à-dire qu'elles vivent avec moins de 660 euros par mois. Voilà. Wow, c'est vrai que c'est des chiffres super impressionnants. Surtout que, du coup, quand on parle de précarité, qui est-ce qui est concerné ? En général, en France, ce sont les familles à petit budget, les étudiants et étudiantes, les personnes âgées et les familles monoparentales. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est, du coup, la précarité alimentaire ? En fait, elle s'exprime à travers un accès restreint, inadéquat ou incertain à des produits sains et nutritifs. Et en fait, la faim, c'est la conséquence ultime, mais pas systématique. Si j'ai bien compris, t'entends que on peut avoir accès à des quantités dites suffisantes, mais il y a un souci de qualité, donc on peut être jugé en précarité alimentaire. Voilà, c'est ça. La quantité suffit pas, il faut aussi la qualité pour répondre à nos besoins nutritifs. Et du coup, pour répondre à cette précarité, il y a l'aide alimentaire qui est aujourd'hui établie en France. Elle concerne 7 millions de personnes en 2020, soit 10% de la population. Bien sûr, c'est un chiffre sous-estimé par rapport aux besoins réels. Et en plus, seulement 2 millions de personnes y accèdent vraiment parce qu'il y a des gens qui ont tout simplement honte de demander cette aide-là. Mais la mesure, oui, serait très bonne, je pense, parce qu'il y a énormément d'insécurité alimentaire de plus en plus, notamment chez les étudiants. On voit les queues devant les banques alimentaires qui se font de plus en plus longues. Donc oui, je pense que ce serait une, tout comme son nom l'indique, hein, une sécurité qui serait très appréciable. Donc vous venez d'entendre un extrait d'une personne interviewée dans la rue. Vous en entendrez tout au long de cette émission. On voulait aussi donner la parole aux citoyens. Et là, donc, ce sont des Toulousains, voilà. Et du coup, comme on l'a entendu dans cet extrait, la sécurité sociale de l'alimentation pourrait être une solution face à la précarité que Lilia vient de nous expliquer. Mais aussi, comme on l'a entendu, il existe actuellement des banques alimentaires, mais comme il en fait référence, les files d'attente peuvent être de plus en plus longues. Donc on a essayé, nous, un petit peu de creuser ce système actuel pour essayer de comprendre comment ça marche et pourquoi on a besoin d'un projet tel la SSA. Donc Alicia, si tu veux bien nous expliquer un peu mieux. Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup les filles pour tous ces éléments sur la précarité alimentaire en France. Pour revenir sur ce qu'est l'aide alimentaire aujourd'hui, donc le point de départ de cette aide alimentaire, finalement, c'est le lancement des Restos du Cœur en 1985 par Coluche. Donc l'objectif de Coluche, c'était de dire qu'il suffisait que chacun donne un peu pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Donc l'État a repris ce dispositif et l'a généralisé à l'ensemble de la population en appliquant ce principe de l'aide alimentaire. Donc aujourd'hui en France, on a 3 sources pour fournir nos banques alimentaires. Donc c'est la collecte des dons auprès des particuliers, les achats subventionnés par un programme européen, donc via le FEAD, qui est le Fonds européen d'aide aux plus démunis, et il y a également les invendus des enseignes alimentaires. Et d'ailleurs, notamment concernant ces enseignes alimentaires, il y a une loi qui a été créée en 2016. Et cette loi, elle permet aux supermarchés de se débarrasser des invendus en échange d'une réduction d'impôts. Donc finalement, ce qu'on peut dire là, c'est qu'on a un constat assez terrible, c'est qu'on a développé un modèle économique à partir de la pauvreté. Et l'aide alimentaire est devenue un chaînon de notre secteur agroalimentaire. Et il faut savoir également que cette défiscalisation dont je parlais, elle a un coût pour l'État français qui est estimé à 360 millions d'euros par an. Et de plus, ces banques alimentaires, elles reçoivent plein de produits de la grande distribution. Mais du coup, si elles ne trouvent pas assez de bénéficiaires, c'est à elles de gérer les produits engendrés, donc les déchets que cela peut représenter. Et donc tout ça, ça a un coût pour ces banques alimentaires. Oui, tout à fait, Julie. C'est les banques alimentaires qui vont s'occuper de gérer tous ces déchets en plus. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer personnellement. Lorsque j'ai travaillé dans une enseigne alimentaire, j'ai eu à gérer tous ces déchets, tous ces produits invendables. Donc par exemple, on peut prendre l'exemple d'un sac de pain de mie qui serait ouvert et finalement le pain de mie à l'intérieur est sec, donc on se dit qu'il n'est pas consommable en l'état, donc on l'assigne à l'aide alimentaire et finalement c'est les gens dans les banques alimentaires qui le reçoivent. Donc aujourd'hui finalement on a des produits collectés par les banques alimentaires qui répondent pas toujours aux besoins des bénéficiaires, notamment en matière de besoins nutritifs et en matière de plaisir gustatif. Donc c'est pourquoi il y a cette idée de SSA. Face à une aide alimentaire aujourd'hui en France qui est assez compliquée, des files d'attente qui ne cessent d'augmenter. Et aujourd'hui, c'est le seul dispositif qu'on connaît en France. Ouais. Et on a du coup posé la question à des personnes dans la rue. Est-ce que la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation serait-elle une bonne idée ? Voici la réponse. Je pense que ça serait royal, vraiment. Vu toute la précarité qu'on peut voir autour, je pense que vraiment ça serait royal. Moi, je trouve ça assez fort qu'elle utilise le mot royal. Pour moi, ça serait surtout normal, en fait, que les gens puissent tous manger des aliments sains en quantité suffisante. Et Julie va nous expliquer comment ça serait possible grâce à la SSA. Oui, en effet, parce que ça fait bientôt 10 minutes que l'on est là. Et donc, on va essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la SSA. Donc la SSA, c'est une proposition politique pour créer une sixième branche, une branche alimentation à la sécurité sociale. Donc c'est vraiment un projet qui est en discussion et qui n'est pas encore réel. Et donc pour un peu mieux comprendre, déjà rappelons un petit peu la sécurité sociale. Elle a été fondée en 1946 en France avec l'objectif de protéger contre les risques de la vie. Et chacun y contribue selon ses moyens et en bénéficie selon ses besoins. Donc il y a cinq branches actuellement. La branche familiale que l'on connaît notamment avec la CAF. La branche maladie, là on a tous et toutes accès à la carte vitale pour se soigner. La branche retraite. La branche recouvrement, que l'on connaît mieux sous le nom de l'URSSAF, c'est elle qui permet de collecter les cotisations et les contributions sociales pour les redistribuer au bénéfice des autres branches. Et enfin, il y a la branche autonomie, seulement depuis 2021, qui est sur les dépenses liées à l'autonomie des personnes âgées et en situation de handicap. De plus, il y a certains régimes plus spécifiques, comme par exemple la MSA pour les agriculteurs et agricultrices, qui couvrent les mêmes risques, mais pas de la même manière. Ok, donc là, la proposition de la SSA, ça serait de rajouter une branche qui serait celle de l'alimentation pour garantir une alimentation saine en quantité suffisante. Et du coup, le projet, il est encore en discussion et ça serait basé sur un système de cotisation pour assurer un budget de 150 € par mois. Ce montant, il est encore en discussion aussi et ça se baserait sur trois grands piliers. L'universalité, le conventionnement démocratique et le financement basé sur la cotisation sociale. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Julie ? Oui, c'est tout à fait ça. Et du coup, vraiment, pour comprendre la SSA, c'est important de vraiment bien comprendre ces trois piliers. Donc, tout d'abord, le premier, l'universalité. En fait, c'est tout simplement que la SSA, elle est pour tout le monde, pour tous et toutes en France. Et du coup, c'est vraiment pas que l'affaire des plus précaires. C'est que tout le monde aurait le droit à l'accès aux produits. Le deuxième pilier, le conventionnement organisé démocratiquement. En fait, c'est que le fonctionnement de la SSA, ça serait que, donc, comme Lia l'a déjà dit, on aurait un budget mensuel par personne et on aurait le droit de l'utiliser pour l'alimentation chez des professionnels de l'alimentation qui ont été conventionnés. Donc, c'est-à-dire on a choisi ce budget de 250 €, on a le droit de l'utiliser chez tel ou tel professionnel. Je vais vous proposer d'écouter un nouveau micro-trottoir où j'ai trouvé ça super pertinent sur ces propos. Oui, pourquoi pas. Après, effectivement, il faut qu'on ait le temps et je pense que c'est bien. Et surtout de pouvoir choisir ces producteurs comme des producteurs locaux qu'on pourrait aider aussi, nous, de notre côté. Je pense que ça peut être bien, oui, de pouvoir choisir des producteurs locaux pour pouvoir justement dépenser cet argent chez eux. Donc voilà, j'ai trouvé ce micro-trottoir intéressant pour vraiment montrer le pouvoir que pourrait avoir la SSA avec ce principe de conventionnement. Et de plus, ce conventionnement, il est choisi de manière démocratique. Donc par démocratie, on entend les mécanismes de l'expression de l'ensemble des citoyens et citoyennes. Donc tous les consommateurs et consommatrices pourront choisir ensemble de comment fonctionne la sécurité sociale de l'alimentation. Pour cela, les outils utilisés sont encore en discussion dans de nombreux projets. Ok, ça marche. Et le financement qui serait basé sur la cotisation sociale, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Donc, comme j'ai dit, les personnes recevraient 150 € par mois. Donc c'est un budget qui est encore en discussion, le 150 €, mais qui paraît pour le moment le plus approprié pour le projet. Et pour les obtenir, donc il y aurait un système de cotisation. Donc chaque personne qui produit de la valeur financière en France pourrait cotiser à la hauteur de cette valeur-là, de la valeur qu'il produit. Et donc l'avantage d'utiliser une cotisation, c'est que l'argent, il ne transite pas dans les caisses de l'État, comme par exemple les taxes ou l'impôt. Mais ce fonctionnement de cotisation est aussi encore en discussion, comme de nombreux pans de la SSA. On entend notamment d'envisager des cotisations patronales ou des cotisations salariales, ou ainsi qu'un prélèvement à la source. Et du coup, on peut dire que ce modèle démocratique, universel, il pourrait peut-être changer notre modèle agricole et alimentaire qui a atteint ses limites, comme va nous l'expliquer Alicia. Oui, donc effectivement, on vient de voir qu'en France, il y a une précarité alimentaire qui augmente. Et en plus de cela, notre modèle agricole, il a un impact sur notre environnement. Donc par là, j'entends un impact négatif sur la biodiversité. Donc il faut savoir que l'activité humaine, et pas que le monde agricole, est responsable d'une perte de la biodiversité. Donc on observe notamment que 40% des espèces d'insectes sont menacées d'extinction aujourd'hui. Au niveau de la diversité génétique, là également aussi, on observe une baisse, puisque aujourd'hui, 15 plantes fournissent 80% de nos apports énergétiques. Au niveau du bilan carbone de l'agriculture, là aussi, l'agriculture a un fort bilan, puisqu'elle est responsable de 19% des émissions de gaz à effet de serre de la France, soit le deuxième poste d'émission nationale. Au niveau du métier d'agriculteur, là aussi, on peut dire que notre modèle agricole il ne permet plus de maintenir des métiers rémunérateurs pour nos agriculteurs, puisqu'on observe que 20% d'entre eux aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Et on observe aussi également une augmentation de la détresse des paysans. Et enfin, je terminerai par un impact sur la santé publique, puisqu'on observe une augmentation des maladies de type cardiovasculaire, diabète et cancer, qui seraient liées à une alimentation de mauvaise qualité. Et finalement, face à cela, face à ce modèle dominant, on a des initiatives alternatives qui se mettent en place, telles que les circuits courts. Donc l'objectif des circuits courts, c'est de valoriser des alternatives nouvelles, avec des pratiques agricoles qui se voudraient plus respectueuses de l'environnement, qui permettraient de mieux valoriser la production agricole et qui permettraient aux agriculteurs d'exercer un contrôle du prix plus important. Aujourd'hui, ces alternatives, elles ne font pas le poids pour apporter un changement global de notre système, d'autant plus que c'est des pratiques qui sont encore très marginales, puisque 87% des Français font encore leurs courses en grande surface. Voilà, donc on constate que notre système alimentaire et agricole, il dysfonctionne aujourd'hui, et c'est surtout dû au manque de lien entre consommateurs et agriculteurs. Et en fait, grâce à la SSA, on pourrait atteindre des objectifs de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit des populations à décider de leur propre stratégie et politique pour garantir leur sécurité alimentaire, tout en considérant les effets sur les autres. Et en fait, viser cette souveraineté alimentaire, elle se ferait aussi en visant que les populations elles comprennent et qu'elles participent au choix des agricultures de demain. C'est ce que la SSA propose, notamment, comme disait Julie, grâce aux magasins conventionnés, où les citoyens choisissent leurs producteurs et leurs produits. Et déjà, il y aurait une reconnexion entre ces deux mondes. Et en plus, ils pourraient orienter la production vers des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. La SSA, elle veut aussi soutenir les professionnels de l'agriculture, notamment locaux. On a pu voir, nous, cette année, durant nos visites à l'école et nos cours aussi, que s'il n'y a pas de demande en fait dans les régions rurales pour des produits sains, pour des produits qui respectent l'environnement, il est presque impossible de vendre ces produits. Les gens, ils achètent aussi au supermarché, même en milieu rural. Et du coup, les produits locaux, ils ne sont pas forcément sécurisés pour que les agriculteurs aient un revenu. Donc, il y a plein d'agriculteurs qui diversifient pas leur production, notamment en faisant d'autres productions comme des fromages ou des légumes, et qui pourraient être vendus en circuit court. Et donc, ils doivent plus se tourner vers des coopératives qui, elles, centraliseront et délocaliseront souvent les produits. Donc, ce circuit court, il est difficile à mettre en place dans plein de zones en France. Et en fait, la SSA, elle permettrait d'encourager cette production locale. Moi, pour l'aspect solidaire, ça me plairait. Après, dans le mode de consommation, c'est vraiment loin de ce que je fais actuellement. Donc, ça semble plus positif. En plus, je pense que c'est plus réfléchi. Donc, pourquoi c'est loin de mes pratiques, parce que je consomme au plus pratique, au moins cher. Et là, peut-être que ça serait un peu plus raisonné, je pense. C'est ça, comme donc ça peut être bénéfique, je pense. Donc moi, c'est à peu près pareil, surtout qu'au niveau de l'alimentation, c'est vraiment du pratico-pratique. Quoi. Plus c'est rapide et mieux c'est. Donc de la malbouffe en gros, et c'est vrai que je suis pas encore dans l'optique de la bio, etc. Et ne serait-ce que c'est une histoire d'argent également. Quand on voit le prix des produits bio, et on se rabat vite sur éco en bas des rayons, mais je pense que beaucoup connaissent. Comme on a pu l'entendre, souvent le budget il pèse sur les choix des produits qu'on consomme. La SSA elle permettrait donc de répondre aux problèmes de sécurité alimentaire et de redonner le pouvoir aux citoyens. Bah, d'ailleurs, Alicia va nous présenter l'expérimentation qui a eu lieu à Montpellier. Je la laisse parler. Oui, effectivement, on a souhaité s'intéresser à ce que pouvait proposer la SSA aujourd'hui en France. Donc, on sait qu'au niveau du réseau national, ils ont recensé 20 initiatives locales aujourd'hui, donc sous la forme de caisses alimentaires. Donc, ces caisses, elles vont s'inspirer du concept de la SSA, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de dispositif clé en main à adapter à un territoire. Mais c'est quelque chose qui a du sens, qu'on propose ces initiatives sur un territoire, puis petit à petit qu'elles émanent à l'échelle nationale. Donc, aujourd'hui, ces caisses, c'est des groupes qui sont formés localement et qui vont mener des expérimentations sur ce projet de la SSA. Donc, si on prend l'exemple de Montpellier, du coup, ils sont partis avec un cadre de départ qui était un budget collectif. Donc, ce budget, il est issu de fonds publics et de fonds privés, donc avec un total de subventions de 400 000 euros. Et donc, ils sont partis avec un postulat qu'ils appliqueraient le principe de la gestion démocratique et que tout le monde aurait accès à des produits durables en local. Donc, cette caisse, elle a été lancée sous l'impulsion de différents collectifs, donc des collectifs écolos, des associations paysannes, des labos de recherche ou les collectivités locales aussi. Et leur objectif, c'était de se regrouper pour porter ensemble une transformation du système alimentaire. Donc, cette expérimentation, elle a duré un an, de 2023 à 2024. Et l'objectif, ça a été de mobiliser les habitants de la métropole de Montpellier. Donc, ils ont réussi à mobiliser 450 Montpelliérains. Chacun va donc cotiser selon ses moyens et recevoir 100 euros par mois et par personne, et non par foyer. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Julie, c'est que ce budget, il est encore en discussion. Donc là, Montpellier a choisi 100 euros. Ensuite, en plus de ces 450 Montpelliérains, il y a eu la création d'un comité citoyen. Donc 50 d'entre eux sont chargés de gérer la gouvernance de la caisse. Donc les missions principales qu'ils vont avoir, c'est de définir les critères d'accès à la caisse, de définir son fonctionnement et de définir les critères des magasins conventionnés dont nous parlait Julie tout à l'heure. Et justement, Julie, je voudrais savoir, toi qui t'es récemment inscrite à la caisse de Toulouse, comment ça marche les critères d'accès ? Oui, en effet. Donc moi, pour le moment, j'ai candidaté suite au travail sur ce podcast pour pouvoir participer aux caisses de Toulouse. Et donc, quand on candidate, on remplit un formulaire et où on fait un calcul, où on calcule le revenu qu'on a par mois et nos charges fixes. Et du coup, ça nous fait un budget qu'ils appellent le reste à vivre. Et donc, avec ce reste à vivre, ils nous disent, selon dans la fourchette que vous rentrez, on vous propose de cotiser pour tant. Donc moi, par exemple, en tant qu'étudiante avec un futur salaire d'alternante, on m'a dit, vous pourrez avoir 20 euros, vous pourrez seulement cotiser pour 20 euros par mois. Ça serait raisonnable pour ce que vous gagnez. Mais après, c'est à nous de choisir le budget que l'on souhaite. Donc voilà, on m'a orienté, on m'a dit on te conseillerait de cotiser vers 20 euros. Maintenant, on peut cotiser ce que l'on veut. Oui, voilà, effectivement, les cotisations, elles sont guidées, mais finalement, c'est toujours le citoyen qui choisit combien il veut donner, donc plus ou moins selon ce qu'il a été défini. Donc sur Montpellier, par exemple, les cotisations les contributions mensuelles, pardon, elles sont comprises entre 1 et 150 euros, mais parfois plus aussi, ça peut des fois être plus. Donc ensuite, je le disais, le comité citoyen a choisi les magasins conventionnés. Donc c'est des magasins de type épicerie bio, épicerie locale ou encore des groupements d'achat. Et l'objectif, c'est que ces citoyens se rendent dans ces magasins et achètent avec la monnaie numérique locale qui a été créée par la Caisse alimentaire de Montpellier, donc c'est la Mona, et chacun du coup peut acheter dans ce circuit de magasin. Il faut savoir également que cette expérimentation aujourd'hui, elle est suivie, donc avec une logique de recherche-action. L'objectif, c'est d'avoir des échanges autour de ce processus et de voir comment il pourrait s'installer au niveau national. Il y a peut-être déjà un premier résultat, c'est qu'ils ont quand même constaté qu'il y a besoin de beaucoup de personnes qui donnent plus pour que d'autres puissent cotiser moins finalement. Et ils ont notamment calculé qu'il faudrait qu'il y ait environ 1100 personnes avec des cotisations comprises entre 110 et 120 euros pour que ça puisse équilibrer celle de 300 personnes qui ne donneraient que 1 à 90 euros. Merci beaucoup Alicia pour toutes ces recherches, super important et intéressant de voir un petit peu où on en est. Et du coup, nous, voilà, quand on en était un petit peu là de nos recherches, on s'est dit, bon, ben, c'est super intéressant, on comprend ce que c'est la SSA. On voit qu'actuellement, il y a plein de petites expérimentations locales. Donc, comme tu as dit, Alicia, il y en a 20 qui sont actuellement sur le site de la Sécurité sociale de l'alimentation. Mais on s'est un peu demandé, bon, qu'est-ce que ça va devenir, quelles sont les perspectives et comment on peut avoir... quelque chose de national où on a tous et toutes une carte vitale de l'alimentation. Donc pour ce faire, on a choisi de rentrer en contact avec Mathieu Dalmé, qui est agronome et conférencier et animateur sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc le temps qu'on rentre en contact avec lui, je vais vous laisser avec un audio d'une amie à moi, Juline Lamarque, qui va vous raconter son expérience depuis un an à la Caisse alimentaire de Toulouse. Alors moi j'ai rejoint l'initiative de la Caisse Alim, donc la Sécurité sociale de l'alimentation durable et le projet local de Toulouse, parce que je voulais contribuer à une initiative, en tout cas d'accès, d'encouragement d'accès à l'alimentation durable, de qualité et en quantité pour tout le monde, quels que soient ses revenus, quelle que soit son origine sociale. Ça m'a beaucoup intéressée puisque c'était une initiative citoyenne, donc avec beaucoup d'intelligence collective et de coopération entre les bénéficiaires et utilisateurs de la caisse et aussi les producteurs et productrices engagés dans le projet. Nous sommes de retour sur l'émission Agro J'écoute au studio de Campus FM. Nous sommes toujours dans l'épisode « La sécurité sociale de l'alimentation, cotiser pour bien manger ». Donc nous sommes maintenant en ligne avec Mathieu Dalmé. Bonjour Monsieur Dalmé. Merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et surtout rappeler votre lien avec la SSA assez rapidement? Oui, je suis à l'initiative du projet au sein d'une asso qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, agriculture et souveraineté alimentaire, et à l'initiative après d'un collectif pour continuer à élaborer ce projet, à porter tout ça. Et j'ai monté une conférence gesticulée. Aujourd'hui, je suis intermittent avec cet outil-là, plus quelques autres formations pour permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de s'approprier les constats qui nous ont amenés à proposer ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Nous, on avait des questions du coup à vous poser, notamment à quoi elles servent toutes ces expérimentations. Est-ce qu'il y a un projet national qui est possible, envisagé? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un projet national qui est défini dans ses grandes lignes et pour lequel il y a encore de la tuyauterie à finaliser. Cette tuyauterie, elle s'inspire de toutes ces expérimentations qui sont en place et en cela, elles ont un vrai intérêt. Et puis, elles ont surtout un intérêt aujourd'hui pour pouvoir porter le projet, pour pouvoir l'ancrer, pour montrer que c'est possible. Il y a plein de façons de réagir, de personnes qui vont être contre l'idée, le projet, quand on commence à en parler, pour différentes raisons. Quand ça commence à s'ancrer, quand on voit les retours qu'il y a sur les premières expérimentations, ça aide à rendre un peu plus accessible cette utopie qui a été posée à un moment donné sur le papier, quoi. Et d'ailleurs, quand on parle d'utopie, on peut aussi le relier au financement. Comment est-ce qu'on finance la SSA? Parce que ça paraît, c'est un projet que nous, on adore, mais comment est-ce qu'on peut le financer? Il y a l'air d'avoir quand même un travail sur ça. Je pense pas que ce soit spécialement utopique de penser le financement de tout ça. On n'est pas sur du nouvel argent à créer, à aller chercher. On est sur... dire qu'il y en a certains qui iront peut-être un petit peu moins au resto et d'autres qui pourront tous fonctionner. C'est le principe du fonctionnement par la cotisation. C'est comme ça qu'on a réussi à construire des hôpitaux dans une France qui était ruinée en sortant de la Seconde Guerre mondiale. Je vois pas pourquoi aujourd'hui on n'arriverait pas à réorienter notre agriculture par là. La cotisation, elle a fait ses preuves. Peut-être que c'est pas le financement unique à envisager qu'on peut voir avec d'autres moyens, mais on n'est pas sur des montants qui sont complètement à côté de la plaque par rapport au budget qu'on sait socialiser. Et surtout, on sait, avec l'expérience de la sécurité sociale, quand elle était gérée démocratiquement, que même si c'est des gros budgets, en fait, c'est plus efficace économiquement que de laisser le marché organiser tout ça. Donc, au final, c'est des économies qu'on fait tous globalement. D'accord, ok, je vois. Et est-ce que vous travaillez avec des politiques ? Est-ce que vous auriez besoin d'aide politique pour lancer ce projet ? Lancer ce projet au niveau national, ça veut dire forcément, à un moment donné, d'avoir un relais politique, en tout cas une assemblée qui décide de le porter. Aujourd'hui, par rapport au rapport de force qu'on a dans ces instances-là, on n'en est pas vraiment là. On est en train de demander des relais pour pouvoir accompagner et appuyer les expérimentations en cours qui, elles, ont besoin de financement parce qu'elles peuvent pas lever de la cotisation. Donc, par rapport à ça, on a besoin de relais aujourd'hui. Mais dans l'idée de concrétiser vraiment, lancer une sécurité sociale de l'alimentation, là, c'est encore un peu tôt. Nous, on a eu la chance la semaine dernière de rencontrer une représentante de la Confédération paysanne et elle a évoqué aussi, lorsqu'on parlait de ce sujet, la peur que ce modèle, ce projet soit accaparé par les grandes surfaces. Quel est votre point de vue sur ça ? La clé de ce projet, c'est le travail démocratique. On a vu comment la sécurité sociale a été récupérée, in fine, par l'État pour mettre aujourd'hui ces budgets-là socialisés au service de Sanofi et tout un tas d'autres producteurs de médicaments. Donc la crainte que quelque chose qui soit construit soit récupéré par l'État et mis au service d'autre chose, elle est réelle aujourd'hui. Elle ne fait qu'amplifier la défiance à l'État et la nécessité de construire des formes de démocratie qui contournent cette institution-là. On réfléchit régulièrement beaucoup à comment on peut éviter ces méthodes de récupération, mais on n'a pas forcément la bonne réponse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la situation est pas pire si c'est récupéré que si on fait rien. Donc, dans tous les cas, on y va, on avance, et peut-être qu'un jour, on aura construit quelque chose de chouette et que le lendemain, on le perdra. Mais on saura qu'on a réussi à faire quelque chose et on n'aura pas perdu par rapport à là où on en est parce que ça peut pas difficilement être pire, quoi. D'accord, merci pour toutes ces réponses. J'en aurai peut-être une dernière. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent pour participer à développer ce projet ? Comment est-ce qu'ils peuvent s'engager ? Et aujourd'hui, il y a différentes expérimentations sur les territoires. Donc, on a effectivement des lieux comme Montpellier, comme à Toulouse, où on va chercher à construire des caisses qui visent à montrer qu'est-ce que ça pourrait donner que de gérer une sécurité sociale de l'alimentation. Mais on a aussi plein d'autres endroits sur les territoires où on innove, où on cherche à avancer ou simplement même à porter ce projet politiquement ou alors à faire avancer d'autres projets qui se rapprochent complètement dans l'idée et qui à terme, un jour, se rapprocheront fortement. Tout ce qui va être autour de la restauration collective, notamment, pour pouvoir faire autre chose de façon socialisée et prendre en main notre agriculture, notre alimentation. Donc il y a toutes ces dynamiques-là dans lesquelles s'inscrire et qu'il est possible. Et puis on a aussi des organisations nationales qui travaillent sur ce projet. Il est possible de rejoindre, d'adhérer pour pouvoir contribuer à l'avancée, à l'éducation populaire qui est nécessaire et à toute l'élaboration du projet. Merci beaucoup Mathieu Dalmé. Du coup, on va passer à la conclusion. Julie, je te laisse continuer. Alors, donc, comme on l'a vu, la sécurité sociale de l'alimentation, ça a vraiment pour objectif de permettre une souveraineté alimentaire, donc un accès à tous et à toutes à une alimentation saine et en qualité et quantité suffisante. Donc, le projet, il est encore en phase de test avec plein de petites expérimentations. Mais une fois qu'on aura un petit peu abouti et que tout ça arrivera à se mettre en lien, mais pourquoi pas une future branche à la sécurité sociale, mais portée vraiment par les consommateurs et les consommatrices, par les citoyens et citoyennes, et à quand une carte vitale pour l'alimentation. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il existe d'autres projets émergents pour faire face à ces enjeux de l'alimentation. On a notamment eu l'écho d'une idée de chèque qui permettrait de la même manière d'avoir accès à des produits sains et durables. Mais bon, la SSA, c'est quand même le projet qui nous a paru le plus prometteur et c'est pour ça qu'on a choisi d'en faire notre podcast. Voilà, merci beaucoup pour cette conclusion. Et on remercie Campus FM, aussi notre professeure Sophie Yvon pour nous avoir donné l'opportunité de faire ce podcast. Et on remercie aussi nos enseignants pour leur retour sur nos recherches. On vous invite à lire « De la démocratie dans nos assiettes » de Sarah Cohen et Tanguy Martin. et manger, plaidoyer pour une sécurité sociale de l'alimentation, qui est un livre qui retrace l'entretien avec Dominique Paturel. Si vous voulez approfondir ces sujets-là, vous pouvez lire ces livres. Et merci également à Frédéric Ouellette et au PETR d'Ariège pour leur aide dans la recherche d'informations. On remercie également l'École d'ingénieurs de Purpan et la région Occitanie pour l'opportunité de réaliser cette émission.